Les nouveautés à la Maison de cinéma de Sherbrooke cette semaine. Autrui, de Micheline Langteau, en français. Nous effectuons un sondage pour connaître vos habitudes de fréquentation des réseaux sociaux. Un seul choix possible. Ben, au début, je voulais me faire des amis. Oh, en réalité, je voulais rencontrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester là. Voyons, venez. Vous de l'argent? J'ai besoin de personne, papa. Tout le monde y a besoin de quelqu'un. Pas moi. Je me mets pas à genoux. Devant personne. Surtout pas devant toi et ta petite crise de face d'ange. T'auras rien. Tu vis pas, tu respectes, c'est tout. T'as aucun orgueil. Je te juge pas. Dis-toi de ça. Tu m'as jamais dit ton nom. C'est pas important. The Second Best Exotic Marigold Hotel de John Madden, en anglais avec sous-titres français. The Marigold Hotel has been going properly for 8 months now. People who come and go, but there's been a core of regulars from the beginning, and Sunny takes a roll call every morning. A most valuable precaution to ensure that nobody has died in the night. Mrs. Evelyn Greenslade. Here. Douglas Ainslie. Yeah, I'm here. Mrs. Madge Hardcastle. Here. Norman Cousins and Miss Carol Parr. Both here. Mrs. Muriel Donnelly. Was left. Ladies and gentlemen, this is the great Guy Chambers. Lordy, Lord, have mercy on my avarice. First time in India? No, it's just pretty much a dream until now. Any other dreams I could help you with? You should marry that girl. I want to. Sometimes it seems to me that the difference between what we want and what we fear is the width of an eyelash. I'm so sorry. Were you talking to me? I don't know why I tell you anything. Because I'm older and wiser. 19 days older. That's the entire lifespan of a wasp. The Second Best Exotic Marigold Hotel. I couldn't resist the chance to come back and visit the old crumbling ruins and see how the hotel was doing as well. Chappie, de Neil Blomkamp, en français et en anglais. Le déploiement de la première police entièrement robotisée avait suscité l'intérêt de toute la planète en 2016. Lâchez vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Vincent Moore est un ancien militaire. L'intelligence artificielle est beaucoup trop imprévisible. Le concepteur des Scouts, Dion Wilson, est optimiste pour l'avenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est une machine qui ressent les choses et qui pense. Mon robot est contrôlé par la pensée d'un être humain. On veut pas de ce truc. C'est cher, c'est gros et c'est moche. Les Scouts sont un énorme succès. Laissez tomber vos petits projets personnels. Ça y est, j'ai réussi. C'est une nouvelle forme de vie, une nouvelle étape dans l'évolution. Tu es Chappie. Chappie. C'est comme un enfant, il doit apprendre. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Chappie veut peindre. Wow. Non, je rêve. Ton petit robot est un gros problème pour moi. Un robot qui pense, c'est la fin de l'humanité. Détruisez ce robot. Réduisez-le en cendres. Un danger mortel nous menace. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Si tu veux survivre, tu dois te battre. C'est le chaos en ville depuis la désactivation des forces de police. Tu as blessé mes amis! tu crois que t'existes. Vous allez le payer. Il est unique. J'ai une conscience. Je suis vivant. Je suis Chappie. Aussi à la maison de cinéma cette semaine, Les 12 coups de minuit de Sean Garrity en français. Get, le procès de Viviane Hansanen, de Shlomi et Ronit Ekelbet, en arabe avec sous-titres français. Focus, de John Ricra et Glenn Ficarra, en français et en anglais. Still Alice, de Wash Westmoreland et Richard Glater, en anglais. Duff, de Harry Sandel, en français. Astérix, le domaine des dieux, de Alexandre Astier et Louis Clichy, en français. La chanson de l'éléphant, de Charles Binami, en français. Timbuktu, de Abderrahmane Sissako, en arabe avec sous-titre français. Kingsman, service secret, de Matthew Vaughn, en français et en anglais. 50 nuances de gris, de Sam Taylor Johnson, en français. Bob l'éponge, le film, Éponge à cordeau, de Paul Tibbitt, en français. Samba, de Eric Toledano et Olivier Nakache, en français. Paddington, de Paul King, en français. Tireur d'élite américain, de Clint Eastwood, en français. Le jeu de l'imitation, de Martin Tilden, en français.